chier. S'acharner à n'en pas démordre, prêt à régner pour diviser et semer le désordre. Prêt à cracher sur toutes les têtes sans jamais donner sa parole. Faire un trophée de ses conquêtes à chaque droit qu'on viole. Avancer droit devant, peu importe contre qui ni comment. N'avoir peur de rien ni de personne, peu importe les moyens qu'on se donne. Qui se met en travers du chemin quand on veut arriver à ses fins. Je veux devenir quelqu'un. Prêt à faire la guerre à ses frères, sans regret marcher sur leur corps. Prêt au pire, prêt à tout, prêt à faire la promesse d'un enfer pour ceux qui restent encore. Prêt à remuer ciel et terre, convertir le dernier des hommes. Et devant Dieu jurer que personne ne veut fuir devant. Avancer droit devant, peu importe contre qui.